Dans notre vie, nous croiserons plus d'une fois cette ligne. Cette ligne si mince, suite à laquelle tout bascule. Il y a un avant et un après. La ligne rouge. Il y a ce moment où on comprend que rien ne sera plus pareil, que le temps d'un clignement d'yeux, tout ce que l'on a bâti, rêvé, planifié, s'est écroulé. Pour le point de bascule qu'elle oblige, pour l'impact qu'elle a dans nos vies, je ressentais le besoin de la connaître, de vous la peindre dans un coin, afin de mieux l'apprivoiser et de vous rappeler qu'elle n'aura pas le pouvoir de vous tuer. Cette fameuse ligne survient à la suite d'un choc, d'un deuil, à la suite de l'annonce d'un diagnostic, lors de l'annonce d'une rupture. Évidemment, on parle ici d'événements traumatiques. Vous vous rappelez cette publicité de la Société canadienne du cancer, où on y voyait des patients silencieux devant un médecin qui recevait une mauvaise nouvelle. On y voyait les patients et leurs proches tomber au ralenti vers l'arrière. Cette scène visualise très bien l'état provoqué par la traversée de cette fameuse ligne. Elle est définie comme une frontière entre deux mondes. Avec cette ligne, se dessine un avant et un après. Vous la connaissez? Vous l'avez déjà croisée? Alors vous pourrez comprendre ce concept de la ligne rouge. Quand un client en deuil me partage son histoire, je ressens toujours le vertige extrême ressenti lors de la traversée de cette ligne. On pourrait l'appeler choc traumatique. Ce film mériterait un espace dans le dictionnaire pour montrer l'intensité de sa décharge électrique ou de la trop grosse injection de lucidité qu'elle propulse dans le sang. Elle se pointe à la vitesse grand V par les impacts et les chocs de la vie. Difficile d'expliquer avec exactitude cet état de non-retour. Mais pour avoir vécu cette traversée plus d'une fois à l'annonce de deuil de vie, et parce que je détecte dans les yeux de ceux que j'accompagne ce moment précis où leur vie a basculé, mon hémisphère gauche a ressenti le besoin de trouver des mots et de faire le procès à cet état de choc. Cette ligne s'impose. Elle n'a rien à faire de notre opinion, ne s'annonce pas non plus. Elle entre par la porte en arrière, viole notre intimité, détruit notre quotidien. Elle change nos priorités, détruit même parfois ce que l'on croit important et repart avec la conscience tranquille. Elle propulse dans l'œil d'une tornade, un brouillard tellement dense et froid que l'on peut oublier d'où on vient. Dès que l'on passe cette ligne, nos repères s'effondrent. Une surdose de nitro émotif nous dissocie psychologiquement de notre corps. Cette ligne est comme une signature qui ferme le dossier de la vie comme elle l'a été. C'est terminé. Pendant que j'entends les éternels positifs chuchoter trop fort, rien n'arrive pour rien, la vie nous envoie les épreuves que l'on a la force de surmonter. J'ai envie de vous crier tout bas. Laissez-les exprimer et vivre leur injustice. Laissez-leur la possibilité d'être victime de ce coup de pelle. Laissez-leur même le droit de croire que tout est fini, ne serait-ce qu'un court moment. Car il peut y avoir un besoin d'exprimer et de crier, même en silence, ce qui vient de se passer. On a souvent besoin de normaliser nos états afin de tourner la page, afin de retrouver ses forces et de se relever. À d'autres moments, on se doit de radoter afin de loader l'information, vous comprenez? Lorsque CTRL-ALT-DELETE ne fonctionne plus, que le corps est en écran de veille et que le cœur exige une mise à jour, ce sont les effets de la ligne rouge. À la suite des symptômes reliés, retrouver une sensation de normalité est nécessaire afin d'adoucir les choses et permet à la personne de saisir qu'elle n'est pas folle. Que cette sensation de perdre le nord n'indique pas qu'il n'y ait plus de direction, mais plutôt que la destination est à redéfinir. Je donne beaucoup d'importance à cette toute petite ligne, mais pour moi, il est nécessaire de faire comprendre que cette ligne n'est pas de la largeur d'un désert. Elle est l'équivalent d'un reset. Elle demande de recréer à partir de ce qui n'est plus et de s'inspirer des souvenirs que l'on a déjà eus. Cette ligne rouge se termine par une flèche qui pointe subtilement le chemin de la résilience. Mon texte ne parlera pas à tout le monde, non. Seulement, chaque deuil est unique, mais leur intensité aussi. Parce qu'on en parle peu, parce que cet état, c'est le summum de la lourdeur. Je me devais te dévoiler cet état au grand jour, pour ceux qui le vivent honteusement, en silence et seul. Cet état de choc est trop souvent dans l'ombre. Il est pourtant si puissant et envahissant qu'il amène parfois même des pertes de mémoire. Afin de mieux comprendre quelqu'un dans ce parcours, afin de mieux accepter cette traversée remplie de tremblements intérieurs, afin de vous sentir moins fou, retenez que, malgré son intensité, la traversée de cette ligne rouge n'aura pas le pouvoir de vous tuer. Oh, hey, hey, oh.